Chapitre 5e. Toute circonstance devait servir de prétexte à quelque fête autour d'un jeune roi, qui ne prenait même de la royauté que les faciles plaisirs qu'elle procure. Wolsey était trop en politique pour ne pas faire boire et danser sa majesté à l'occasion de la haute dignité religieuse dont il venait d'être revêtu. Après les cérémonies pieuses, les réjouissances profanes. Il pria donc sa majesté d'honorer de sa présence la fête qu'il lui préparait dans son magnifique château de Hampton Court. Ce fut là que sa majesté daigna promettre de porter elle-même à son favori le grand sceau de l'État. Pendant une de ces rares journées de soleil qu'on appelle en Angleterre « Glorious Day », « Jour glorieux », ce palais ouvrit donc toutes ses portes devant Henri VIII, qui arrivait suivi de toute sa cour. Le maître du lieu s'était plu, par une recherche de sensualité, à varier pour ainsi dire les séjours dans le même séjour. Le roi fut reçu et complimenté dans une salle d'un style majestueux et sévère qui rappelait, par le genre de ses décorations, l'archevêché de York. Sur les lambris, le marbre avait imité les productions les plus remarquables de ce riche comté. Le cardinal proposa ensuite à Henri VIII de quitter l'Angleterre et le conduisit dans ce qu'il appelait son évêché de Badajoz, endroit destiné à représenter les deux diocèses qu'il possédait en Espagne. C'était une longue galerie soutenue par des arcades de marbre rose et ouverte sur un jardin. On était vraiment là dans les campagnes de l'Estramadure, où la terre, qui se couvre deux fois de moissons et toujours de fleurs, recèle encore des carrières de marbre. Les quinconces étaient composés d'oliviers et d'orangers, et dans les parterres s'épanouissaient toutes les belles plantes d'Espagne. Toute cette nature méridionale était protégée par des vitraux contre la température de ce ciel brumeux et recevait la vie et la chaleur, non du soleil, mais de l'art. Pendant la journée, les femmes de la cour se répandirent dans le parc. La plus jeune des dames d'honneur, la charmante Anna de Boleyn, suivit solitairement un défilé de verdure et arriva comme par hasard devant le bassin d'une jolie fontaine. Elle s'y mira, s'amusant à poser avec complaisance sur son front une branche de chêne qu'elle arrondissait en forme de couronne. « Elle vous irait bien, » dit alors une voix derrière elle. Anna se retourna et vit Henri VIII. « Sire, » dit-elle en rougissant beaucoup, « je ne pensais qu'à une couronne de feuillage. C'est la seule à laquelle une pauvre fille puisse prétendre. » Henri sourit de voir comme la jeune fille avouait naïvement sa pensée la plus secrète en voulant la mieux cacher. « Votre front embellirait toutes les couronnes, » reprit-il, « celle des reines comme celle des plus humbles bergères. Sire, ne flattez pas trop votre sujette. Les louanges d'un prince donnent trop d'orgueil. Non, Anna, ce n'est point flatterie, c'est vérité. Mais vous devriez chercher plutôt une autre parure encore. En France, où l'éducation est si parfaite, ne vous a-t-on pas appris que rien n'embellit autant une femme que la tendresse ? Et qui faut-il aimer, sire, parmi les seigneurs de votre cour ? Est-ce ce sœur Amias Paulette, qui a rapporté dans sa chevelure et dans sa barbe tout le soleil de l'Orient, où il a combattu ? Est-ce Lord Bedford, le grand maître de notre université, qui a toutes les sciences possibles, excepté celle de plaire ? Ni l'un ni l'autre, miss. Est-ce donc le duc d'Argyle, le plus riche et le plus beau seigneur de votre royaume ? Est-ce Buckingham, qui en est le plus pauvre et le plus laid ? Pas davantage, mais bien leur maître à tous. Sire, en France, où l'éducation est si parfaite, on dit aux jeunes filles qu'il faut qu'elles soient bien folles et bien ennemies d'elles-mêmes pour accepter, à titre de maîtresse, l'amour de l'homme qui, le pouvant faire, dédaignerait de leur donner celui d'épouse. Avec plus de générosité, miss, avant de vous occuper de vous-même, vous songeriez un peu à moi, à mon bonheur, qui désormais dépend de vous seul. Vraiment, sire, je ne croyais pourtant pas que le bonheur d'un roi pût dépendre d'une de ses sujettes. Ni moi, avant de vous avoir vu. Mais quand votre image est venue, fraîche et riante, charmer mes yeux, quand j'ai senti mon cœur battre violemment à votre approche, j'étais prêt à pleurer de joie de me sentir amoureux. La contemplation de votre beauté me jette dans des extases indicibles. Je vous mets au-dessus de tout dans mon âme. Tous les hommes de ma cour me sont odieux, car l'un d'eux peut vous aimer, peut vous plaire. Alors, mais seulement alors, je ne maudis plus cette royauté qui me sépare de vous, car la vengeance est un de ses privilèges. » Anna de Boleyn pâlit en voyant l'éclair de fureur qui jaillit à ces derniers mots des yeux de Henri VIII. « Hier, par exemple, » continua le roi, « vous étiez sous les charmilles de Greenwich. Je vous voyais à travers le rideau de verdure. Le duc d'Argyle, comme vous nommez vous-même le plus riche et le plus beau de la cour, s'entretenait avec vous et vous lui répondiez gaiement. Eh bien, vous dire quels sentiments de colère et de haine agitèrent mon cœur, quelles pensées sinistres remplirent mon esprit, ce serait impossible, et cela vous ferait trop de peur. Puis le duc d'Argyle s'éloigna, et vous vous mîtes à chanter doucement et avec indifférence. Votre calme passa heureusement dans mon âme. Toutes ces affreuses pensées s'évanouirent. Je redevins tout amour et mon cœur se mit à chanter avec vous. Sire, craignez ces funestes agitations. Ne me plaignez pas, Anna. Ces souffrances du cœur ont de bien douces compensations. À quoi vous conduira, sire, ce tumulte de sentiments contraires? Vous vous en repentirez plus tard. Le jour où un ministre vous dira qu'il ne faut songer qu'aux affaires d'État. Le jour où un confesseur vous dira qu'il ne faut songer qu'à l'amour de votre femme. Non, Anna. Il y a au fond de mon âme plus d'espérance que vous ne le pensez. Les liens qui m'unissent à Catherine d'Aragon ne sont pas indissolubles. Quelque chose me dit que vous pourrez être à moi, aux yeux de la religion, comme à ceux de la loi civile. L'amour, qui ne connaît pas d'autre obstacle pour les autres hommes, aurait-il donc moins de force, alors qu'à sa puissance vient se joindre la puissance d'un roi? Écoutez, Anna. En ce moment, un groupe de promeneurs interrompit l'entretien, fort à propos pour le roi, qui peut-être allait s'engager déjà par de téméraires promesses, mais bien à contre-temps au gré de la jeune fille qui seule, sans autres auxiliaires que sa finesse et sa coquetterie, luttait tout à la fois contre la politique et la religion, et allait l'emporter enfin sur ces deux formidables puissances. Ambitieux enfant qui ne voyait pas l'échafaud sous les draperies du trône. Cependant, l'heure du festin était venue. On se rendit dans une vaste salle qui, avec ses dépendances, était l'archevêché de Tournai, du nom de ce diocèse concédé à Wolsey dans les Pays-Bas. La table était servie avec un luxe et une élégance vraiment dignes d'un prince de l'Église. Un orchestre voilé de fleurs se fit entendre pendant tout le repas, et des parfums exquis brûlèrent dans de riches cassolettes, afin que toutes les sensualités fussent flattées à la fois. La reine assistait à cette fête, amenée là par les ordres de son époux, malgré la sinistre tristesse qui semblait depuis quelque temps l'éloigner de toute joyeuse réunion. Anna de Boleyn, sans cesse appelée auprès d'elle par les devoirs de sa place, n'était pas étrangère à ce sentiment. La mélancolie de la souveraine augmentait encore par le contraste de la riante beauté de la sujette. On eût dit qu'elle n'a gagné chaque jour en charme tout ce que Catherine perdait. À la fin du banquet, Wolsey prit sur une corbeille de fleurs en brillant qui cornait la table une perle de grande beauté et montée sur un feuillage d'or. « Voici, dit le cardinal en la présentant au roi, voici le produit de nos domaines le moins indigne de vous être offert. C'est la plus belle perle que se soit laissée ravir cette année la mère de Golconde. « Ce n'est pas à moi que cette perle doit appartenir, dit Henri. C'est à la femme qui, comme elle, est sans pareil parmi les autres. « Remettez-lui ce présent vous-même, cardinal. Nous déposons pour cela notre autorité entre vos mains et nous en rapportons à la délicatesse de votre goût. » Et en parlant ainsi, Henri jeta furtivement les yeux vers Anna de Boleyn. Tous les assistants qui avaient deviné la pensée du roi dirigèrent de même leur regard sur la jeune fille. Le cardinal cependant se leva, s'approcha de la reine qui était en face de lui et mettant genoux en terre, lui offrit l'incomparable merveille. Si nous avons bien entendu les ordres de Sa Majesté, dit Catherine d'Aragon, avec un mélange de tristesse et d'amertume, et en repoussant de la main le présent, ce n'est pas à la femme reine que ce merveilleux bijou doit s'adresser, c'est à la reine des femmes. L'une et l'autre peuvent se trouver réunies dans la même personne, dit Wolsey sans se relever. Nous ne voulons pas admettre ce double privilège comme votre galanterie le suppose, reprit Catherine d'Aragon. Et ce ne serait pas nous être agréable que d'insister davantage. » Pendant cette scène, dont aucune autre voix n'osa troubler le pénible silence, Anna de Boleyn tenait les yeux baissés, son cœur battait violemment. Elle sentait que tous les yeux étaient fixés sur elle, et toute rouge d'espoir, elle jouissait déjà de la joie du triomphe. Wolsey s'avança en effet de son côté. Elle fit un léger mouvement comme pour tendre la main, et sa bouche commença un sourire de remerciement. Ce n'était qu'en passant que le cardinal s'était approché de l'orgueilleux enfant. Il fit encore quelques pas, comme entraîné par un sentiment irrésistible. L'homme chez lui l'emportait sur le politique. Il s'arrêta devant une autre Catherine, devant Catherine Gordon, et lui offrit le magnifique bijou. Catherine Gordon hésita un instant, mais la vanité de la femme l'emporta aussitôt sur la prudente amie de l'homme d'État. Elle prit la perle et la plaça fièrement à son corsage. Henri se pinça les lèvres et jeta à son ministre un regard de mécontentement. La cour fut bien moins occupée du succès de Catherine Gordon que du désappointement d'Anna. Une larme était dans les yeux de la coquette, qui se vit humiliée en présence de son royal amant. Le mouvement du bal ne put effacer cette cruelle impression. À chaque instant, le tourbillon des danses faisait briller à ses yeux la perle sans égale qui parait la ceinture de la belle Catherine Gordon et la proclamait la merveille des femmes. Ce jour-là, le plus habile des hommes avait commis une faute à compromettre le fruit de 10 ans d'habileté. Il avait pu braver impunément les plus fiers, les plus nombreux, les plus forts adversaires. Mais ce jour-là, il s'était exposé à un danger bien plus grand. Pour satisfaire une vanité de femme, il avait blessé la vanité d'une autre femme. Il s'était fait une ennemie irréconciliable d'une petite fille de 18 ans. Il n'en a jamais fallu davantage pour bouleverser la face du monde. Wolsey comprit son irréparable étourderie et l'appui décisif que ses ennemis pourraient trouver désormais dans la rancune de cette petite fille lorsqu'il eut été appelé un moment hors la fête par un de ses dévoués partisans et qu'il reçut une de ces révélations qui sont de nature à briser les plus fortes capacités, autant par l'imprévu que par la gravité du péril. Toutefois, pendant tout le reste de la nuit, il ne laissa rien voir de son émotion, bien convaincu que le plus grand danger pour un homme d'État n'est pas d'être menacé, mais bien de le paraître. À 4 heures du matin, la fête se termina, et les équipages de la cour reprirent le chemin de Greenwich.